sont un peu malheureux. Et une pour ceux qui sont vraiment amoureux. Il y a celle qui vous émerveille, et il y a celle qui vous ensorcelle. Toutes les fées se cachent au fond des forêts. Elles veulent garder tous leurs secrets. Il y en a une qui décore la lune, et une autre qui se lisse les. Il y a celle qu'on ne voit pas, la plus belle qui ne se montre pas. C'est celle que je préfère, c'est la fée des rivières. C'est vraiment la plus belle des fées de l'univers. Mais elle fait des manières, se glisse dans les airs. Impossible de la voir dans la lumière. Autour de la terre, elle se retrouve quelquefois au fond des mers. Y a une fée pour tous les jours de l'année, et y en a d'autres qu'on ne voit pas passer. Il y a celle qui danse dans le ciel, et puis d'autres dans tous les arcs-en-ciel. Y a les fées qui dorment toute la journée, et y a celles qui vont travailler. Elles imaginent de nous se montre pas. C'est celle que je préfère, c'est la fée des rivières. C'est vraiment la plus belle des fées de l'univers. Mais elle fait des manières, se glisse dans les airs. Impossible de la voir dans la lumière. Mais celle que je préfère, c'est la fée des rivières. C'est vraiment la plus belle des fées.